venu l'automne dernier. Nous on est allé se cacher derrière notre télé. Il commençait à faire fête, il commençait à faire fête, il commençait à faire fête, il commençait à faire fête. Et pendant tout l'hiver dernier, nous on est resté couché au fond de la télé. Ça va être trop fête, ça va être trop. Est venu le printemps dernier, nous on n'a pas bougé. Il faisait encore fête, il faisait encore fête, il faisait encore fête, il faisait encore fête. On est de bonne humeur, on fait pousser des fleurs, et quand l'été est là, Eden et Bermuda. Collie, collie, stay, stay.